Papa, je ne sais pas ce que je vais vous donner dans ma vie. Hey! Hey! Jusqu'ici, je n'en reviens pas. L'année 2012, papa, on faisait le séminaire dans 12 paroles prophétiques. Et il y aura cette nuit 12 paroles prophétiques. Tonight you have 12 prophetic words. Amen. Amen. Chaque janvier, every January, il y a un séminaire. There is a seminar. Comme ça. And it will start like that. 12 paroles. The 12 prophetic words. Tu dois. You have. J'ai donné le thème hier. Tu dois faire quoi avec les finances? I gave the theme yesterday. What you do with the finances? Tu dois faire quoi avec les finances? Tu dois régner. You have to reign. Sur les finances. Over your finances. C'est la première parole prophétique de ce soir. That is tu dois régner sur. You have to reign lève on your finances. Comme ça. Lift up your hand. Lève la main droite. Lift up your right hand. Parce que quand on te donne, tu reçois avec la main droite. Because when the gift you receive with the right hand. Hein? Tu dois faire quoi? What you do? Régner sur. You have to reign on your finances. Mais comme tu es encore aveugle. As you're still blind. C'est pour ça que tu ne règnes pas. That is why you're not reigning. Les écailles vont tomber cette nuit. Chains will fall this night. Hein? Tu verras avec tes yeux. And you shall see. Qui a mis with ton your argent eyes dans le cadenas? Who put your money inside the padlock? Amen. Amen. Tu verras avec tes yeux qui you a mis ton argent dans le. Who contained your money mais in the padlock? Souligne une seule chose. Underline one thing. Que 2014. That 2014. Tu dois régner. You have to reign. You have to reign. Dans les. In your finances. Tout ce qui touche à l'argent. All what concerns money. Oui, maman. Lors de la prédication, papa arrive à mon niveau. Il dit, tu auras des entreprises. Tu auras des entreprises. Il répète encore, il dit, j'ai dit, tu auras des entreprises. J'ai demandé, je me suis demandé que, mais, papa confond des personnes ou c'est moi. Hey! Hey! Tu auras quoi? You have enterprises. Elle se demande, est-ce que c'est vraiment ask, moi? Hello? Am I really the one? Je prophétise sur toi aujourd'hui. I prophesy on you today. Si tu es venu ici, if you came here, et que tu n'es pas marié, and that you're not married, tu as déjà ton. You already have your marriage. Oui, maman. Je me suis demandé, je n'avais pas grand-chose entre mes mains. J'ai cherché 500 francs. Je suis allé sceller. J'ai dit, je dois avoir un sacrifice avant de remercier l'Éternel pour ce qui est sorti dans la bouche de son père. Elle est allée sceller pour chercher, pour avoir un sacrifice. She still elle est allée sceller, dit, je dois avoir un sacrifice pour avoir ce qui est sorti de la bouche de l'homme de Dieu. To receive what came out from the mouth il a prophétisé. Of God. Maintenant, elle avait 500 francs. Now she had 500 francs. Elle est allée sceller. She went and sealed. Parce qu'elle n'avait rien. Because she had elle nothing. Dit, je dois donc avoir un sacrifice. She said, I didn't have to have a sacrifice. Pour acquérir. To have. Pour avoir. To have. L'accomplissement. The accomplishment. De cette parole. Of this word. Époque en 2012. J'étais une petite maîtresse d'une école privée. D'une école? Privée. D'une école? Privée. D'une école? Privée, papa. Je me suis demandé, une pauvre femme comme moi, je vais faire comment pour avoir une entreprise? Bon, j'ai dit, ce que papa dit souvent sort de sa bouche ne manque pas d'arriver. Ce qu'il dit ne manque pas. What he says surely comes to pass. Ce qu'il dit ne manque pas. What he says surely comes to pass. Je ne prophétise pas en l'air. I will not prophesy on the air. Alors, quand ça sort, si tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie, if you want il faut it to be accomplished in your life, ça. You have to get hold of it. Ne regarde pas ta vie. Don't look comme at your life. Qui. That who am I? Ne fais pas comme. Don't do as. Saül. Saul. Lorsque le prophète a dit à Saül. When the prophet said to Saul. Tout ce qu'il y a de meilleur en Israël. All what is best in Israel. N'est-ce pas c'est pour toi? Is it not for you? Qu'est-ce que Saül a dit? What did Saul say? Saül, moi je suis qui? He said, who am I? Je suis d'abord né dans une famille pauvre. I was first of all born in a poor family. C'est ce que Saül a fait? This is what Saul did. Il dit mais. He said, burn. Il dit au prophète. He said to the prophet. Pourquoi tu me parles de la sorte? Why is it that you're talking to me in this way? Je suis né dans une famille pauvre. I'm born in a poor family. Et tu dis tout ce qu'il y a de meilleur en Israël c'est pour moi. And you are saying all what is best in Israel belongs Dieu to n'a me. Je n'ai rien à voir avec tes ressources. God have nothing to do with your resources. With your family root? Non. No. Il dit d'ailleurs malheur à celui qui prend pour appui la chair. It, woe to he who take as support flesh. Il n'a vraiment rien à voir avec ça. He has really nothing que to do with it. Que tu es des présidents des républiques dans ta famille. You have presidents of republics si in your family. If God wants to lift you. Aujourd'hui Dieu m'a élevé au Cameroun. Today God has lifted me in Cameroon. Je suis né dans une famille présidentielle. Was I born in a presidential family? Hein? Non papa. Tu es ici pourquoi? Why are you here? Parce que c'est le fils du président de la République qui est ici. Because it's the son of the president parce who is here. Parce que c'est un prophète de Dieu. Because it is a prophet of God. Il y a des gens qui ont fait des écoles de théologie au Cameroun. There are people who went to theological school in Cameroon. Des théologiques. Theological universities. Leurs églises sont vides. Their churches are empty. Il est préférable de compter sur la grâce de Dieu. It's better to count de compter sur l'appel de Dieu. To count on que quand God's Dieu, call. C'est lui-même qui t'appelle. When God calls et you voici himself. Le témoignage. And this is the testimony. L'endroit le plus peuplé de Yaoundé au Cameroun. The most crowded c'est cette nuit. Place in Cameroon. Il n'y a pas une seule tonight de nuit qui a autant Cameroon de personnes. Il n'y a pas une seule église au Cameroun qui a autant There's de personnes. No comme other ce soir, church in Cameroon who has such a crowd as we are seeing here tonight. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait des écoles de théologie. It's not someone who went to theology. Il a reçu l'appel là. He received the directement call de Dieu. Directly from il God. A reçu son appel. He received his call. Sur le trône de Dieu. On God's et throne. Il avait oint. And God anointed him. Amen. Amen. Et Dieu l'avait oint. C'est l'onction qu'il faut. It's anointed that you si need. Si tu es ici ce soir, c'est à cause de l'onction. If you are here tonight, c'est it's because of anointing. It's not for something c'est l'onction else. Qui attire. It's anointing et quand that tu as l'onction, and when you have anointing, tu as la richesse. You have wealth. Quand tu as l'onction, when you have anointing, tu as la prospérité. You have prosperity. Quand tu as l'onction, when you have anointing, tu as tout. You have everything. Ce que tu dois chercher ce soir, what you have to c'est l'onction. For tonight is anointing. Parce que l'onction apporte la révélation. Because anointing et quand brings tu as revelation. La révélation, you give the solution to all the problems. La solution à tous les problèmes. To all que ce soit problems. Un problème politique, either political tu donnes problem, la solution. You give the solution. Problème économique, economical tu donnes problem, la solution. You give the solution. Problème de troubles, de guerre, troubles tu donnes la solution. War, you give the solution. Parce que Dieu t'a oint. Because God anointed you. Ceci n'est pas reçu dans une école de théologie. This is not received in a theological school. Amen. Amen. Ne mets pas ta confiance sur les hommes. Mais don't il est dit que Dieu peut utiliser les hommes. But it is said God mais can use men, pour appui un homme. But don't take as support a man. Tu commences à marcher avec la face comme ça. You begin to walk with your face like this. M'aider. I have nothing to nobody to help me. Vous voyez l'homme qui était au bord de la piscine. Can you see the man who was beside the pool? Il était couché là. He was sleeping there. Et les anges venaient. And angels were coming. Il secouait l'eau. Shaking the water. Et ceux qui avaient. And those who had. Des membres de leur famille. Their family members. Les prenaient. Who carried them. Les balançaient dans l'eau. And threw them inside ils the pool. Ils retrouvaient la guérison. And they'll be healed. Et à un moment donné, at a given moment, Jésus s'est approché de lui. Jesus came near la to him. Grâce s'est approchée de lui. Grace came near to le him. Le Dieu de toute grâce s'est approché de the lui. The God of all graces came to il him. Il ne connaissait pas Jésus. He did not know Jesus. Il lui a dit, mais pourquoi? He told him, but why? Pourquoi? Why? Toi, tu n'entres pas dans l'eau. Why are you not entering dit, that pool? He said, Lord, il n'y a personne. There's nobody. Lui comptait sur les gens. He counted on people. J'ai dit bien, il comptait sur I les said gens. He was counting il on a people. Dit, il n'y a personne. He said, there's nobody. Quand l'ange descend, when the angel comes down, moi, je n'ai pas de pieds. I don't have legs pour tomber rapidement dans l'eau. To quickly fall mais in the pool. Ceux qui ont des pieds, but those who have legs qui ont des gens, and those who have people dans l'eau, threw them inside moi, the pool. Je suis ici but I am here depuis des années, for years. Mais il n'y a personne but there's nobody qui peut m'aider who can help me à recevoir la guérison. Receive healing. La suite the following c'est que is that la révélation dit the revelation says ce n'était pas par la main des hommes. It was not by the hand of a man, ni par le secours des hommes, nor the help of qu'il avait reçu la guérison, that he received healing. C'était la grâce. It was grace. Il y avait beaucoup de malades autour de la piscine. There were many sick people round the mais pool. Pourquoi Jésus s'approche de lui? Why is it that Jesus came pour to him? Pour prouver à cette personne, to prove to those people, que that il est écrit dans la parole. It is written in malheur the word. À celui qui prend pour appui woe la chair. To he who et takes que même si tu n'as personne, Jésus va t'aider cette nuit. Help you this night. même si tu n'as personne. Even if you have no il était couché là. He was sleeping there. Paralysé. Paralyzed. Il n'avait rien. He had nothing. Mais je dis, but I say, même si tu n'as personne, even if you have nobody, le Jésus que je prêche, that Jesus I'm va t'aider cette nuit. Will help you tu auras time. Le travail. You have a job. Même si tu n'as personne, even if you tu vas recevoir nothing, you're going to receive ce que tu es venu chercher. What you came here to seek for. Papa, vraiment, c'est votre ancien là qui est sur moi. Parce que je suis du Mbam. Alors, il y a tellement de sorcellerie là-bas. Comme partout, même en Colombie. Au Mbam, c'est très grave, papa. On n'aime pas le développement. Même ici à Yaoundé, les Camerounais n'aiment pas le développement d'abord. Donc, papa, quand vous avez prophétisé sur moi, je n'ai pas eu peur de descendre, prendre service, je peux dire, puisque l'Éternel avait déjà donné. Comment ça s'est donc passé? Quand papa prophétise, c'était, je crois, au mois de juillet 2012. En mars 2013, je me rencontre avec une maman Ewondo. Elle me parlait d'un réseau. Je lui dis, mais tu me parles, moi j'ai qui va me soutenir pour ces réseaux-là. Elle me dit, non, je te connais, tu es dynamique, tout et tout, il faut faire ça. J'ai dit, bon, directement l'esprit me parle, que mais ton père t'avait déjà donné des entreprises, tu as peur de quoi? C'est comme ça que je prends donc contact avec cette femme. Elle me guide un peu comment est-ce que je devais faire mon dossier, composer mon dossier. Je compose dans mon dossier, je dépose au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Je vous ai dit la fois dernière qu'il faut travailler, même s'il y a une parole prophétique. Even if there's a prophetic word, mais Dieu dit de chercher. But God said you have to look. Dieu dit de travailler. God says you have to walk. Si elle n'avait pas composé le dossier, had it been she did not compose that si elle n'avait pas eu les opportunités, had it been she did not have any opportunity, elle a composé le dossier, she made that elle file, s'est mise au travail. And she went to work. Elle n'a pas attendu. She did not wait. Elle n'a pas dit ça va tomber du ciel. She did not say it will come down from comme heaven. La plupart parmi vous, as most of you, la parole prophétique ne veut pas dire tu ne travailles pas. The prophetic word doesn't mean you shouldn't work. Les chrétiens sont les gens les plus paresseux du monde. Christians are the most laziest people of the world. Parce qu'ils attendent le miracle. Once they are waiting for miracles. Qui va descendre? That will come down. Le miracle ne descend pas seul. Miracle cannot come alone. C'est toi qui fais descendre le miracle. You are the one to bring down the miracle. Par la foi d'abord. By faith first. Et après? And after. Par le travail. By work. La foi à une parole qui est prononcée. Faith to a pronounced word. Puisque la parole de Dieu, la parole prophétique est prononcée. Since the prophetic word is pronounced. Tu as la foi. You have faith. Et quand l'homme de Dieu prophétise. And when a man of God prophesies. Qu'est-ce qui t'amène à se lever? What will make you to stand? Parce que tu crois. Because you believe. Quand tu as la foi, when you have faith, tu peux donner ta vie au Seigneur. You can give your life to the Lord. C'est pour cela que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. That is what the Bible au moyen de la foi. Grace, through faith. Nous sommes bénis par la grâce. We are blessed au moyen by grace, de la foi. Through faith. Tout ce que tu peux recevoir, all what you can receive, c'est la grâce is a grace et la foi. And faith. Les richesses, riches, la grâce et la foi. Grace and faith. La protection, protection, la grâce et la grace foi. And faith. Ça ne peut pas venir seul. It cannot come alone. Il y a la grâce. There's grace. Il y a plusieurs musiciens au Cameroun. There are many musicians plusieurs in Cameroon. Plusieurs vedettes au Cameroun. Many stars in Cameroon. Pourquoi c'est seulement Katino qui a été touché? Why is it that it's only Katino who pour has been témoigner, to testify, pour recevoir Jésus, to receive Jesus, pour être guéri, to be healed. C'est une grâce. It's a grace. Pendant ce temps, during that time, d'autres refusent. Other ones have refused. Tu parles de Christ. Ils refusent juste à mourir. Up to the point they die. Il y a des gens qui meurent de pauvreté. There are people who die of que poverty. Christ peut enrichir. That Christ can make them rich. Dit, yeah, c'est la magie. They'll say, yeah, it's magic. Ne vais pas là-bas dans l'église de Talisoba. I'll not go in Talisoba's church. Mais il va chez le féticheur. But they'll go to féticheur. Quand il va chez le féticheur, when they'll go c'est to pas féticheur, la magie. It's not magic. Il y a d'autres qui sont rosicruciens. Some might have not. Pas la magie. D'autres sont francs-maçons. C'est pas la magie. Secret society is not magic. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu manges avec, tu bois. You eat and drink. Va à l'église. Go to church. C'est la magie. You say it's magic. Tu marches avec les gens, tu vas chez les féticheurs. You go to féticheurs. Le féticheur c'est qui? C'est un magicien. Who is a féticheur? C'est un sorcier. A magician, a sorcerer. Mais va à l'église, tu dis c'est la magie. But go to church, you say no, it's magic. Après avoir déposé le dossier, le ministère de la promotion de la femme m'a fait appel. Après quelques deux mois, on a causé. Elle m'a donc dit que dans mon arrondissement, on ne connaît pas la femme rurale. Il faudra que j'aille en fumée formée pour aller tenir mon arrondissement. J'ai fait donc la formation, ça s'est bien passé. Je suis donc descendue chez moi à Ombessapuro, la sensibilisation. J'ai fait la sensibilisation pendant 4 mois. Et aujourd'hui, je vous dis, peuple de Dieu, le Dieu de papa est très fort. Je ne suis plus seulement présidente des associations d'Ombessa. Je suis présidente des associations du Mbam et Inubu. Départemental. Oui. Je suis départementale. À cause du sacrifice. Parce qu'il y a 3 semaines, papa, j'ai commencé à témoigner. Le temps faisait défaut. C'est parce que cela s'est caché encore derrière. Je n'étais pas encore départementale. C'est après mon sacrifice de ce jour-là que maintenant le préfet de Bastia m'appelle. Elle me dit non. Ton installation, j'apprends que ton installation c'est le 11 janvier 2014. Hey! Hey! L'installation, elle m'a apporté le billet d'invitation. Et je dois partir. Amen. Pour écraser les serpents là-bas. Amen. Amen. Lors de ton installation, tu m'apporteras aussi le billet. La bouche de l'Éternel. Ah! Mais commence par faire des sacrifices cette nuit. Papa, ce n'est pas tout. Je suis avec le mouvement français. Avec le mouvement français. Quand Dieu commence à ouvrir les portes. When God starts opening doors. Nous étions 6. Ne soyez pas jaloux. Amen. Nous étions 6. Jaloux d'elle ici, c'est la sorcellerie. Quand elle faisait les sacrifices, tu étais où? Tu critiquais. Tu disais, aime se faire voir. Papa, nous tu étais là, tu as pris ton argent pour aller boire au bar, pour aller manger au restaurant, pour acheter des chaussures, acheter des habits, aller payer les médicaments, aller payer des poils de mouton sur la tête. Il y a des mèches de 120 000. Tu achètes ça, et quand on parle de sacrifice de 100 000 ici, tu as mal au ventre. Alors qu'un sacrifice comme celui-là ouvre les portes de bénédiction. Jésus a dit à magasiner vos biens au ciel, où la rouille et la taille ne toucheront pas. Et maintenant, tu vas mettre ça sur les poils de mouton. On dit cheveux brésiliens. Donc, papa. Pourquoi pas les cheveux de la Vierge Marie? Oui, maman. Nous étions 6 femmes pour le Cameroun, pour le voyage en 2014. Nous allons pour le stage de 3 mois en Europe. En France. En France, papa. Hey! Hey! Parmi les six femmes, on a mis 3 de côté. Nous sommes restés 3. Pourquoi elle n'a pas été mise de côté? Why was she not sacked? Pourquoi? Why? Parce qu'elle est la fille Because du Seigneur. Because she is the daughter of the Lord. Et elle sait mettre le Seigneur à l'épreuve. And she knows how to put the Avec Lord to test. Avec des sacrifices. Papa, parmi les 3 femmes, je suis très nouvelle dans le réseau. Je suis nouvelle. C'est pas le réseau des loges. C'est pas le réseau des loges. Au Cameroun, pour être nommé, il faut être dans des loges. Non. C'est comme ça que le diable vous trompe. Est-ce qu'elle est dans les loges? Non, papa. Allez fouiller son nom. Mais elle monte. J'avais déjà dit, j'ai prophétisé que c'est le chrétien né de nouveau qui va monter dans ce pays. Who have to climb in this country. Et je ne change pas de parole. And I will not tu n'es change pas my de words nouveau. If you're not tu es dans les cercles mystiques. C'est fini pour toi, tu seras comme la poussière. You'll be like dust. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Je vais te demander de te mettre debout. Dans deux minutes seulement, il sera minuit. Minutes, it will be midnight. Minuit. Midnight. Et ça sera la traversée. And it will be the crossover. Pour cela, je viens remercier l'Éternel de ce que Papa fait pour nous dans ce pays. Je crois qu'il est ici au pays pour moi. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Clap loudly for the Lord Jesus of Nazareth. Tu es béni, maman. You are blessed, et tu iras très loin. And you go very far. Au-delà même de ce que les autres beyond pensent. All the, si quelqu'un essaye if someone tries de se mettre to stand au travers de ta route, on your way, le Dieu que je prêche the God I'm preaching, ce soir tonight, va l'écraser to crush au nom de in the name of Jesus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion car il y avait ma libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Je veux que toute personne reste debout. I want everyone to remain standing. Pour écouter. To listen. Ouvre ton cœur. Open your heart. Il dit, je me tiens à la porte. He says, I stand at the door. Et je frappe. And I knock. Si tu ouvres. If you open. La porte c'est ton cœur. The door is your heart. Ton esprit. Your spirit. Il ne force personne. He forces nobody. Il y a des gens qui sont morts. There are people who died. On les a tués. They were killed. D'autres ont été envoûtés. Others have been bewitched. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. Others are sleeping in hospitals. Pourquoi pas toi? Why not you? La seule chose que Dieu te demande. The only thing God is asking. Donne-moi ton cœur. Is for you to give him your heart. Ton cœur était dans les bars. Your heart was in bars. Dans la boisson. In drinks. Ton cœur était dans des futilités. Your heart was in useless things. Mais il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. But there are people who died today. Qui ne boivent plus. They are no more drinking. On ne mettra pas la bière dans leur cercueil. They will not put beer in their coffin. Ni le vin rouge dans leur cercueil. Nor red wine in their coffin. Il y a des gens qui allaient dans les boîtes de nuit. There were people who used to go to nightclubs. Et les boîtes de nuit ont détourné l'essentiel dans leur vie. And the nightclub have diverted the essential thing in their life. Ils sont restés enchaînés avec les boîtes de nuit. They remain in chain with nightclubs. Il y a des hommes qui sont restés enchaînés avec des femmes. There are men who remain in chain to women. Au point où ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. At the point they have refused to listen to the voice of God. Moi et les femmes. They said me and women. Il y a des femmes qui sont restées attachées avec des hommes. There are women who remain tied to men. Il a dit. She said, elle a dit, she said, moi je gère mes hommes. I will handle je n'ai rien my à foutre avec Dieu. I have nothing to do with God. Il y a d'autres qui sont restés enchaînés. Some remain in chains. Avec la magie. With magic. Le jour qu'il m'avait sauvé. The day he saved le jour me, qu'il m'avait délivré. The day he delivered je n'ai plus eu la force. I did no more have the de force faire une moindre incantation. To do the least incantation. Pourtant je pouvais invoquer tout esprit que je voulais. Meanwhile, I could call upon every spirit I il n'y avait pas un esprit que je ne pouvais pas invoquer. No spirit could resist mais le jour me que Jésus a dit je t'appelle aujourd'hui. But the day Jesus said, I am je calling prends la you décision today que cela s'arrête. I take the decision to stop it. Il ne faudrait pas que Jésus Jesus don't have aille to go au-delà. Beyond, que c'est à l'hôpital qu'il t'appelle. That it is at the hospital parce that que si tu refuses de l'écouter, because if you refuse to il peut laisser to quelque him, chose t'arriver. He can let something happen to you. Peut-être c'est à l'hôpital. Maybe it's at the hospital. Et dès que tu le confesses, tu meurs. As soon as you confess him, you die. On a souvent vu les gens. You used to see people. Dès qu'il est sauvé, il meurt. As soon as they are saved, they die. Il ne peut plus se réjouir. He cannot more rejoice. Des fruits du salut. From the fruit of salvation. De la bénédiction. Of blessing. Qu'est-ce qui peut détourner ton attention aujourd'hui? What can divert your attention today? Qu'est-ce qui peut encore te retenir? What can still hold you que back? Que tu ne crois pas au Seigneur Jésus. For you not to believe in the Lord Jesus. Tu dis je suis grand. You say I'm big. Mais les grands sont morts. But big people died. D'autres sont morts. Others are dead. Il y a des scientifiques qui sont morts. Scientists are dead. Qui ont confessé Jésus après. They confessed Jesus after. Il y a des grandes femmes dans le monde. Great women in the world. Un jour je me suis mis à prêcher l'évangile. One day I started preaching the gospel. À la veuve de Fouette Boigny. To the widow of Fouette Boigny. L'ancien président ivoirien. The former president of Ivory Coast. Cette femme-là, son mari a laissé de l'argent. This woman, the husband abandoned the money monde. In the world. Elle avait des sociétés en Indonésie. She had companies in C'est Indonesia. Elle-même qui m'a parlé. She was the one who told me. Je ne te dis pas que j'ai entendu cela. I'm not telling you what I heard. Dieu m'a fait grâce God granted d'annoncer l'évangile to preach the aux grandes personnalités. To great personalities. C'est l'une des grandes dames de la Côte d'Ivoire. One of the greatest ladies in la Ivory Coast. La veuve de Fouette Boigny. Fait Boigny's widow. Elle a envoyé sa voiture. She sent her car. On l'avait laissé avec la voiture de son mari, immatriculé PR, président de la République. President of the Republic. Elle a envoyé cette voiture me chercher. She sent that car to come and pick pour me. Pour m'amener dans sa résidence. To bring me to her residence. Parce qu'elle voulait entendre l'évangile. Because she wanted to hear. Elle voulait the gospel. Sauver son âme. She wanted to save her soul. Et cette femme me dit quelque chose. And this woman told me something. Elle me pose une question. She asked a question to me. Elle me dit. She said, Docteur. Doctor. Tu viens de me dire. You have just told me que les œuvres ne sauvent pas. That work cannot save. Mon mari qui a construit la basilique. My husband who built the basilic. Elle dit. She said. Avant que mon mari ne ferme les yeux, before my husband closed his eyes, je l'ai vu souffrir. I saw him suffering énormément. Greatly. Ça veut dire qu'il n'avait pas Jésus. It means he did not have Jesus. J'ai dit ton mari n'avait pas Jésus. I said your husband c'est did not have Jesus. C'est pas parce qu'il a construit la basilique qu'il peut aller au ciel. It's not because he built the basilique that he'll go to heaven. Est-ce qu'il a accepté le Seigneur avant de mourir? Did he accept the Lord before dying? Elle me dit si tu entres dans la basilique. She told me if you enter the basilic. Tu vas voir. You see. On a fait les objets d'art. On a dessiné Jésus avec 12 apôtres. They draw Jesus with 12 apostles. Il y a une 13e personne. And there is a 13th person. Et mon mari a dit. And my husband said. Quand il faisait ces tableaux. When he was doing this artwork. De mettre une 13e personne. To put a 13th person. Dans l'entourage de Jésus. Round Jesus. Sur le tableau. On the artwork. Il a dit. He said. La 13e personne, the 13th person c'était lui. Was him. Est-ce que ça pouvait l'amener au ciel? No. C'était sur les tableaux. It was on that artwork. Quelle expérience. What an experience. Entrer dans la basilique à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. At Yamoussoukro, at vous allez voir ces tableaux. You see that board. C'est pas 12 apôtres. It's not 12 apostles. C'est 13. But they are 13. Les 13e là. The 13. On dit c'est au fouet. They said it's au fouet. Est-ce qu'on peut aller au ciel comme ça? Can you go to heaven? Through such ways? Non. No. On peut aller au ciel. You can go to heaven. Pas parce qu'on a reçu le baptême. Not because you have received baptism. Quand on était bébé. When you were still the baby. On ne va pas au ciel avec ça. You don't go to heaven with that. Pas parce qu'on a fait la confirmation. Not because you were confirmed. Que c'est l'homme qui confirme. That the one confirming. On ne va pas au ciel avec ça. You won't go to heaven with that. Pas parce qu'on a l'habitude. Not because you have the habit. D'aller à la messe tous les jours. Going to church ou à l'église day. Tous les jours. To judge every day. On ne va pas au ciel avec ça. You don't go to heaven with that. Même ceux qui écoutaient à Jérusalem. Even those who were listening in Jerusalem. Ce jour-là. That day. Ils ont écouté. They listened. Ils sont venus pour prier. They came to pray. Mais ils ont posé la question à Pierre. But they asked the question to Peter. Hommes, frères, que ferons-nous? Brethren, what shall we do? Et pourtant, ils étaient à Jérusalem pour prier. Meanwhile, they were at Jerusalem to Mais pray. Ils ont dit, hommes, frères. But they said, brethren. Que ferons-nous? What shall we do? La réponse de Pierre était claire. Peter's answer was clear. Répentez-vous. Repent. Si vous savez if you know que vous êtes venu ici ce soir that you came here tonight, et que vous n'avez pas Jésus dans votre and cœur, that you don't have Jesus in your life, dans votre vie, in your life, vous n'êtes pas né de nouveau, you're not born again, selon ce que j'explique, according to what I explain, commencez begin à naître de nouveau, to get born again, à accepter Jésus. Begin to accept Jesus. Dieu te tend la perche. Pour la dernière fois peut-être. For the last time maybe. Il te dit. He's telling you. Je veux te sauver. I want to save you. Je veux te sauver. I want to save you. Laisse ce que tu fais. Abandon what you're doing. Laisse ce que tu fais. Abandon what you're doing. Lui, il voit le danger qui est devant toi. He's seen the danger before you. Peut-être tu es enchaîné. Maybe you're in chain. Par les choses de ce monde-là. By the things of this world. Tu es tellement attiré par l'orgueil. You're so attracted by pride. Tu es tellement orgueilleux. You are so proud. Tu es tellement orgueilleux. You are so proud. Tu es tellement orgueilleux. You are so proud. Il veut te sauver. He wants to save you. Il veut te délivrer. He wants to deliver you. Peut-être tu es venu ici. Maybe you came here. Ce soir. Tonight. Tu as connu une année 2013, une année de problèmes. You went through the year 2013 in problems. Il ne peut pas te délivrer. He cannot deliver you. Si tu ne lui donnes pas ta vie. If you don't give him your life. Pour que 2014, so that 2014 soit une année de prospérité. Be a year of prosperity. Une année de bénédiction. A year of il faut que tu lui donnes d'abord ta vie. You have to first of all give him your life. Ce qu'il veut ce soir, what he needs c'est que tu lui donnes ta vie. Is that he should give qu'il him soit your le maître de ta vie. He should be the master of your life. Et en ceci, il faut se repentir. And in this you have to repent. Il faut demander pardon. You have to ask for forgiveness. À qui? À Dieu. To whom? To God. Il faut demander pardon. You have to ask for forgiveness. Il faut demander pardon. You have to ask for forgiveness. Demande pardon. Ask for forgiveness. Sur tout ce que tu as fait. Concerning all what c'est you ça la nouvelle naissance. That is new birth. Dis à Jésus, je suis un pécheur. Tell Jesus, I am reconnais a sinner. Que tu es un pécheur. Acknowledge you are a sinner. Et que tu mérites la mort. And that you deserve death. Ce n'est pas Dieu qui est coupable. It's not God who is guilty. Tout ce qui t'arrive, all what is happening ce n'est pas to Dieu you, qui a l'origine. It's not God who is at the origin. C'est à cause de l'état de ton cœur que tu n'as pas d'argent, that you don't que have tu es malade, that you're que sick, tu as autant de problèmes. That you have so many problems. Il y a une malédiction sur toi. There is a curse upon celle d'Adam et Ève qui empêche Dieu de te voir, qui empêche Dieu de répondre à tes prières, qui empêche Dieu de te guérir, qui empêche Dieu de te donner le mariage, de te donner ce que tu veux. Tu as des problèmes. Même si tu n'as pas de problème, even if you don't have problems, mais il faut que ton âme soit sauvée. Your soul have to be saved. Peut-être tu dis, maybe you say, je suis venu, I came, moi je travaille, I am walking, moi j'ai des moyens, I have money, j'ai construit ma maison, I built j'ai des my voitures, house, I have cars, j'ai ceci, I have this, j'ai cela, I have that. Mais ça ne suffit pas. But it's not enough. Ton argent ne pourra pas te sauver. Your money will not be able to save you. Car le jour que tu vas mourir, for the day you die, Tu n'iras pas avec ton chéquier. You will not go with all your money. Tout va rester dans la banque. Everything will remain ou bien in your dans les matelas. Or in ou au plafond où tu gardes. Or in the ceiling où tu es enterré. Or you bury ça va rester là. It will remain there. Ça va rester là. It will remain there. Ta femme. Your wife. C'est d'autres personnes. Someone qui vont se réjouir avec elle. Will rejoin with her. D'autres personnes. Someone else. Elle va se remarier. She will get married ou bien again. Ton mari or your va trouver une autre femme. Will find another wife. Ton argent même que tu as laissé. Your money you left. Le bon monsieur va manger ton argent. That man eat your money. Cette femme-là va manger. And that woman will come and pendant eat ce temps, during that time, toi tu t'es moqué de Dieu. You mocked at et God, tu iras en enfer. And you go to hell. Parce que tu t'es moqué de Dieu. Because you mocked at God. Tu as porté des statues de Marie. You carry et tu pensais que c'est Dieu. And you ce n'est pas Dieu. Tu n'es God. Pas né de nouveau. You're not born tu allais chercher des féticheurs. Tu allais trouver la solution à ton problème. To find solution to ce n'est pas problem. Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. God, tu auras toujours des problèmes. You still have problems. Qui t'a enfermé dans un cadenas? Who closed you up in a padlock? Il y a une sœur qui me raconte aujourd'hui encore. A sister narrated to me again. Elle dit qu'elle a vu quand elle était païenne. She said when she was still a pagan. Un féticheur. She saw a féticheur. Qui était? Who was? Le patron des Camerounais dans ce pays. The master of Cameroonians in this country. Tous les grands dans le pays le connaissaient. All the big people in this country knew allait him. Chez lui. They were going to him. Et un jour. And one day. Ce féticheur. That féticheur. Avait un arbre. Had a tree. Quand tu arrives dans son village. When you come to his village. Il avait un arbre. He had a tree. Chaque personne qui allait là-bas, everyone who went there, il t'amène derrière la maison. He will take you behind his house. Si tu veux tuer quelqu'un, if you want to t'amène somebody, derrière la maison. He will bring you si behind tu veux envoûter quelqu'un, you want to t'amène derrière you la maison. He will bring you behind the house. Il dit que lorsqu'elle est arrivée, he said when he came, derrière la maison de ce féticheur, when she went behind the house of this elle a vu un arbre, she saw a tree, le bibinga. Bibinga. À partir des racines, right from the root, jusqu'à plusieurs mètres de hauteur, right up, il y avait des milliers de cadenas. There were thousands of padlocks. Chaque personne qui arrivait, everyone who went there, Tu prends le nom de quelqu'un. You take somebody's name. Tu mets dans le cadenas. You put in the padlock. Il te dit ferme le cadenas ici. And he will tell to close the padlock. Tu as déjà fermé la vie de cette personne. You have already closed the life of that person. Tu as fermé le travail de cette personne. You have closed the job of that person. Tu as fermé la santé de cette personne. You have closed the health. Il y avait des milliers de cadenas. There were thousands of padlocks. Les Camerounais qui partaient. Cameroonians who pour enfermer leurs frères. To close their brothers. Ta sœur est allée t'enfermer. Your sister went and blocked you there. Parce que tu as acheté une parcelle de maison, une parcelle. Because you blocked a plot. Elle dit tu ne vas pas construire. She says you will not build. Elle ferme le cadenas chez le féticheur. She will close the padlock in the fetishist. Elle ferme ton mariage. She will close up your le jour qu'on viendra te doter. The day they will come and prepare ou le jour que tu as présenté le fiancé. All the day you presented your fiancé. Elle dit cet homme-là ne va pas t'épouser. She said that man will not mais elle marry ne va pas te dire ça de bouche. But she will not tell elle rit même avec toi. She will even laugh with you. Et la nuit. But in the night. Elle court. She will run. La semaine prochaine. Next week. Elle court. She will run. Chez le diable. To the devil. Chez ce féticheur. To that fetisher. Elle ferme le cadenas. She will lock that padlock. On jette les clés dans la mer. They'll throw the keys in the sea. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ton mariage là. A marriage. Ça ne marchera plus. Will never work. Dès que tu annonces. As soon as you announce. Que j'ai eu mon diplôme. That I have my diploma. On court chez le féticheur. They will run to the fetisher. On ferme le cadenas. They'll close the padlock. Ton diplôme est dans le cadenas. Your diploma is in the padlock. Tu n'auras pas de travail. You will not have a tu job. Tu vas chercher comme ça. You will look for it and be tired. Dès que tu annonces as soon as you announce que je voyage, that I have to travel, on met ton passeport, they'll put your passport dans le cadenas. Inside the padlock. Tu ne voyageras jamais. You never travel. Il y avait des cadenas. There were padlocks. Des milliers de cadenas. Thousands of padlocks. Tous ceux qui allaient là-bas. All those who went there. Tuer même. Kill. On a entendu. We heard. Qu'est-ce que Catino a dit? What did Catino say? Pour détruire le groupe qu'on appelait. To destroy. Les the zombies. Group called the zombie. Qu'est-ce que l'esprit de Zanzibar l'avait dit? What did Zanzibar prends spirit le cadenas, say? Take a padlock. Enfonce le clou. Put a nail inside the tree. Et tu fermes. And close the padlock. Elle a fait ça. She did it. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce groupe? What happened to that group? Le groupe a été détruit. The group qu'est-ce qui destroyed? Est arrivé à ton entreprise? What happened to your enterprise? Aujourd'hui là, today, tu es ici, you are ton here. Entreprise, your enterprise n'est que l'ombre d'elle-même. It's the shadow of itself. Qu'est-ce qui est arrivé à ton magasin? What happened to your shop? Qu'est-ce qui est arrivé à ta boutique? What happened to your store? Où était ton Dieu que tu pries? Where was the God parce you que tu n'es pas né de nouveau. Because you're not born again. Qu'est-ce qui est arrivé à ton mariage? What happened to your marriage? Qu'est-ce qui est arrivé à ta santé? What happened to your health? Qu'est-ce qui est arrivé à ta santé? What happened to your health? La santé de tes enfants. Your children's toujours health. Malade. They're always qu'est-ce sick. Qui est arrivé? What happened? À ton mari. To your husband. Qui ne t'aime plus. Who don't love you j'ai anymore. Dit qui ne t'aime plus. I say who don't love you anymore. Qui veut divorcer? Who wants to divorce? Qu'est-ce qui est arrivé à ton fiancé? What happened to your fiancé? Ou à ta fiancée? What happened to qu'est-ce your qui est arrivé à ta famille? What happened to your pour family? Pour qu'elle soit pauvre? For you to be poor? Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Aux filles de ta famille? To the girls of your qui family? Qui ne se marient pas? Who are not getting elles married? Elles sont dans quel cadenas? They're in which padlock? Dans quel cadenas? In which padlock? Les gens ont les diplômes chez toi. People have diplomas in your house. Mais pas un travail bien rémunéré. But they don't have toi-même, a tu as un diplôme. You yourself, you mais have tu gagnes combien? But you earn how much? Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Tu es dans quel cadenas? You are in which padlock? Aujourd'hui, Jésus dit, today, Jesus is saying, il est venu te sauver. He came here to save il est venu you. Pour te libérer. He have come to set you free. Il doit te faire sortir du cadenas. He cannot bring you out of the padlock. Il doit te libérer du cadenas. He have to set you free from that padlock. Je dis, I say, il doit te libérer he du cadenas. To set you free from that padlock. Il doit te libérer du... He have to set you free from the padlock. Aujourd'hui. Today. Mais, il ne le fera pas. He will not do it. Parce que tu crois. Because you believe. Au chapelet. To a rosary. C'est une autre chaîne. Is another chain. Tu crois. You believe. À la Vierge Marie. To the Virgin Mary. Tu crois. You believe. Aux choses semblables, aux féticheurs. To similar things, to fetishers. Peut-être tu as les fétiches dans les poches là où tu es. Maybe you have fetishes in your pocket where you are. C'est pourquoi je demande. That is why I ask. À celui. To he. Qui veut accepter le Seigneur ce soir? Who wants to accept the Lord tonight? De lever le doigt. To lift up his lève le doigt. Lift up si his... tu donnes ta vie au Seigneur. If you want to give your lève life le doigt. Lord, lift up your finger. Personne au monde. Nobody in ne the world pourra t'envoûter. Will be able to be with et you tous anymore. Les cadenas. And all the padlocks qu'on a utilisés. That they used. Pour t'enfermer. To lock you up. Pour te détruire. To destroy ces you. Cadenas those padlocks seront détruits will be destroyed au nom de Jésus in Christ. The name of Jesus Christ. Come to vous me. Tous, all of you, qui êtes chargés, vous êtes chargés des envoûtements, vous êtes chargés de malédictions, vous êtes chargés de blocages, vous êtes chargés de stérilité, vous êtes chargés de chômage, venez à moi, vous êtes chargés de maladies, Dieu dit venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, il te donne le repos dans tes projets, toi qui as toujours échoué, tu vas crédit sur crédit, tu as déjà dépensé de l'argent dans les hôpitaux. Tu es déjà fatigué. Fatigué du rejet. Fatigué du rejet. Fatigué des choses semblables. Jésus-Christ dit, venez à moi. Come to me. Vous qui êtes fatigué. You who are tired. Vous êtes fatigué de la sorcellerie. Vous êtes fatigué de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Fatigué des serpents. Fatigué des pitons. Fatigué du chômage. Fatigué de tout ce qui vous arrive. Fatigué du rejet. Venez à moi. Come to me. C'est Jésus qui te demande Jesus is asking de venir aujourd'hui. To come today. Donne-lui ta vie. Give him your life. Tout ce qu'il veut, il veut ton cœur. He wants your heart. Donne-lui ta vie. Give him your life. Avancez, il y a de la place sur la croix de Jésus pour tout le monde. Come forward, there's place on the cross of Jesus for pour tout le monde. For everybody. Même si tu es prostitué. Even if you have même a prostitute. Si tu es voleur. Even if you are même a thief. Si tu es sorcier. Even if you are a sorcerer. Même si tu es magicien. Even if you are sick. Si tu es sorcier. If you are a sorcerer, magician. Tout ce que tu fais dans la all vie. All what you do in life. Tout ce qui t'arrive. All what happens Jésus to you. A dit, venez à moi. Jesus said, come to me. Vous tous, all of you, qui êtes fatigués et chargés, diet and looted, et je vous donnerai du and repos. I shall give you rest. Avancez encore, avancez, avancez. Je suis dans la joie, une joie immense. Par le sang de Jésus-Christ, by the blood of Jesus circulez. Christ. Il est là ce soir. He's here tonight. Il est là ce soir. He's here tonight. Il doit être délivré. He have to deliver you. Il y a des gens. There are people. Il y a des gens. There are people. Qui peut-être se disent. Maybe they say to themselves. Je ne peux pas me lever. I cannot stand. Mais Jésus a dit. But Jesus said. Si tu me confesses devant les hommes. If you confess me before men. Si tu confesses mon nom devant les hommes. If you confess my name before men. Je confesserai ton nom devant mon Père qui est dans les cieux. I shall confess your name before my Father who is in heaven. Se lever et venir. To stand and come. Jésus lui. Jesus he. Il va confesser ton nom. Who confess your name. Devant Dieu au ciel. Before God in heaven. Et Dieu va écrire ton nom and God will write dans your name ton livre de vie in his book of life. Et tu vas quitter la sorcellerie, witchcraft. Tu vas quitter les échecs, you will leave failure. Ta vie ne sera plus une vie d'échec, your life will no more be a life of failure. Une vie de maladie, life of sickness. Il y a des gens qui vivent there are people who live comme s'ils sont venus accompagner des as if they came here to accompany other people. Toi tu vis seulement pour mendier, you are just living to beg d'autres, pour demander aux autres, to beg from others. Tu es là pour acclamer d'autres personnes. You are here to clap for other people. Tu es là pour dire aux autres. You are here to tell others. Ou bien tu es éternelle fille d'honneur. Or you are just there to serve in other people's marriage. Éternelle fille d'honneur. Serving other people's marriage. Éternelle fille d'honneur. Chaque mariage dans ta famille, tu es fille d'honneur. Every marriage in your family, you serve. Et toi, tu ne t'es jamais mariée. And you have never got married. Tu es toujours fille d'honneur. You are always serving in other people's marriage. Ça fait combien de mariages que tu es fille d'honneur? How many weddings have you been serving? Ça fait combien de fois? Qui a mis ton mariage dans le cadenas? Who have put your marriage in the padlock? Ça fait combien de fois tu as été hospitalisé? It's for how many times you are hospitalized? Qui a mis ta santé dans le cadenas? Who have put your health in the padlock? Ça fait combien de fois que tu as perdu de l'emploi? How many times have you lost your job? Ça fait combien de fois tu as demandé de l'emploi? How many times have you asked tu n'as for jamais a job? Été recruté? And you've never been qui a mis employed? Tes diplômes dans le cadenas? Who have put your diploma in the qui padlock? A mis? Who have put? Ça fait combien de fois tu es rejeté? How many times have you been rejected? Des hommes, des femmes, tu ne te maries pas, pourquoi? Men and women, why are you not getting married? Ça fait combien de fois? How many times? Que tu as demandé le visa? That you asked for a visa? Et cela t'a été refusé? And it was refused to you. Refusé. Refused. Tu as même perdu de l'argent? You even lose money. Tu as escroqué, fatigué? The crook you and got tired. Pourquoi? Why? Qui a mis ton passeport dans le cadenas? Who put your passport in the padlock? Tu as essayé de vendre au marché? You tried to sell in cela the market. Cela n'a pas marché. It didn't work. Tu as essayé de vendre les foulards. You tried to sell hair tie. Les habits. Clothes. Les produits vivriers. Tu as investi ton capital. You invested your capital. Et ce capital a disparu. And that capital disappeared. Aujourd'hui, tu vis dette sur dette. Today you go debt upon qui t'avait condamné à vivre dans les dettes? Who condemned you to live in debt? À vivre dans les dettes. To live in debt. Qui? Who? De Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 37, Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous aviez entendu ce discours. Pierre leur dit, repentez-vous. Pierre répond en disant, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au et nom que de chacun Jésus-Christ. De vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez après le don. Après avoir entendu ces discours, after they heard, ils eurent les cœurs vivement touchés. They were cut to their hearts. Ils dirent à Pierre and they said to Peter, et aux autres disciples, and other apostles, hommes frères, que ferons-nous? Men and brethren, what shall we do to be saved? Pierre répond en disant, Peter said to them, repentez-vous. Repent, et que chacun de vous soit baptisé. Let every one of you be baptized. C'est la repentance qui commence. Repentance will start. Ça, c'est le vrai. That is the real. Le vrai chrétien a true Christian commence par la repentance. Will start by repentance. Il commence sa vie chrétienne he will start his Christian par la repentance. By repenting. Reconnaissant qu'il est pécheur. Acknowledging he's a sinner. Tu dois reconnaître maintenant. You have to acknowledge it. Repent-toi. Now. Repent. Commence à citer tes péchés. Begin to name your sins. Dis à Dieu ce que tu as fait. Tell God all what you did. Et tu vas voir. And you shall il va te pardonner. He will forgive you. Tout ce que tu as fait. All what you did. Commence à parler. Begin to talk. Parle. Talk. Parle. Talk. Dis à Dieu tout ce que tu as fait. Tell God all what you have done. Qu'est-ce que tu as fait? What have you done? Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé. And may each of you be au nom de Jésus. In the name of pour Jesus. Le pardon de vos péchés. For the remission of ça veut dire s'il n'y a pas de repentance. It means if there's no repentance, il n'y a pas aussi le pardon du péché. There is no remission of sins. La seule condition pour que Dieu pardonne. The only condition for God il faut to forgive, se repentir. You have to repent. Il faut se repentir. You have to repent. Et on ne se lève pas deux fois, trois fois. And you cannot stand once, two times. Dès que tu arrives quelque part, as soon as you reach somewhere, quand tu reçois Jésus, tu es déjà debout. Repent and receive Jesus, you are standing. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu fais. It means you are not even understanding what you're doing. C'est la toute dernière fois que tu te lèves. It's the last time you stand up. Parce que tu es né de nouveau aujourd'hui. Because you are born again today. Un enfant ne peut pas naître deux fois. A child cannot be born trois twice. Fois. Thrice. L'enfant a un seul acte de naissance. A child have just avec one une seule date de naissance. With one day of birth. On ne peut pas dire qu'il est né le 1er janvier 2014. Il est aussi né le 15 janvier 2014. And also the 15th of January 2014. Parce qu'il y a des gens ici qui here, se lèvent tous les jours. Stand up every quand on dit qu'il veut naître de nouveau, il est déjà debout. Again, ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce que c'est. It means he's not even understanding what it means. Tu es né de nouveau aujourd'hui. You're born again today. Tu as accepté le Seigneur aujourd'hui. You have accepted the Lord et c'est today. Fini. And it's over. Prends la décision. Take the decision. En disant, je donne ma vie au say, Seigneur I'm Jésus. Giving my life to the Lord Jesus. Et tu verras ce qu'il va faire. And you shall see what he will do. Demande pardon sur tous tes péchés. Ask forgiveness concerning all your sins. Commence à les citer. Begin to name them. Il va te pardonner. And he will forgive you. Et si tu as fait ça sincèrement, Jesus je suis sauvé. I am saved. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes sauvé. Now you're saved. Vous êtes enfants de Dieu. You're already children of God. Vous êtes entrés ici. You entered here. Comme fils de Satan. As son of Satan. Et maintenant. And now. Vous allez repartir chez vous. You'll go back to your houses. Comme fils de Dieu. As sons of God. Parce qu'il est écrit. Because it is written. À tous ceux qui l'ont reçu. To all those who received him. À tous ceux qui croient en son nom. To all those who believe in his name. Il leur a donné le pouvoir. He has given up the power. De devenir enfants de Dieu. To become children of God. De devenir enfants de Dieu. C'est aujourd'hui que tu and es devenu today, enfant de Dieu. You have le 1er a janvier 2014. The 1st of January 2014. La deuxième chose que tu vas faire. The second thing you're going to c'est do de persévérer. Is to persevere. Selon ce qui est écrit. According to what is written. Ceux qui acceptent sa parole, c'est le verset 41. In verse 41. Dans le même chapitre. In the same chapter. Deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres. In the book of Acts of Apostles. Ceux qui acceptent sa parole. Those who accepted his word. Furent baptisés. Were baptized. Ils ont d'abord accepté. The first of all accepted. Toi qui as reçu le baptême étant bébé. You who received the baptism est-ce que tu avais d'abord accepté? Did you accept ou c'est ton père or is your father qui t'avait conduit dans une église? Who brought you to ta church, mère your mother, qui t'a amené dans la religion? Who took you to religion? On baptise seulement the only ceux qui acceptent Jésus. Those who accept Jesus. Lis le verset 41. Read in verse 41. Lecture de la parole dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41, il est écrit. Il est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes. Tu es l'un des disciples qui augmente le nombre des disciples dans cette église. You increase the number of disciples of this church. Si nous étions 10 000 âmes, had it been we were 10,000 souls, je ne connais pas le nombre de ceux qui ont accepté le Seigneur ce matin. Of those who accepted the Lord this morning. Combien? Ce matin, il y a eu 515 personnes qui ont accepté le Seigneur. 515 people accepted the Lord. Amen. Amen. 515 personnes. 515 people. Et les 515 personnes. And those 515 people. Viennent s'ajouter. Who come and add themselves. Au nombre des disciples. To the number of disciples. Des milliers qui persévèrent déjà ici. Of thousands that are persevering here. Amen. Amen. Amen. Amen. Relis la phrase. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là. Ils ont fait comme toi. Ils ont accepté. Il y a de cela 2000 ans, ce que j'ai fait aujourd'hui a été fait par Pierre. Les gens se sont levés comme toi aussi. Il n'y avait pas de religion où on baptisait les bébés. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est une religion païenne. Rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu as fait ça, sache qu'aujourd'hui, Dieu te pardonne. Il te délivre. Et aujourd'hui, tu choisis la vraie voie. You choose le the vrai true chemin, way, le chemin the way de la délivrance of the du péché d'Adam et Ève, le brisement des malédictions héréditaires. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et le nombre de disciples s'augmenta de 10 500 personnes. D'environ 3000 âmes. Non, moi je donne le nombre d'ici. Amen, amen. Acclame. Acclame très très fort. Amen. Amen. Amen. Oui. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? What did they do after? Dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Recommence. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui est votre apôtre? Who is your apostle? Docteur Charles Sumba. Qui est votre apôtre? Who is your apostle? Tu dois persévérer. You have to persevere aux enseignements du docteur. In the teachings of the doctor. Les pasteurs qui sont ici. The pastors who are here doivent t'enseigner. Have to teach la you parole. The word. Ils persévéraient. They persevere dans l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'il est dit au catéchisme? Non. Hein? Non. The Greek church service here. Il y a culte ici de lundi à vendredi. Yeah, we do church service from chaque Monday to Friday. Chaque 15 heures, le culte commence. Every 3 p.m. Ce temple que tu vois this temple you a été conçu par les chrétiens de cette église. Have been built by the Christians et tu viens of this t'ajouter church. And you come and act comme chrétien de cette église. As a Christian of this church. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, the persevering teaching of apostles, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Dans la communion fraternelle et dans les prières. Parce que tu es né de nouveau. Because you're born again, tu peux déjà prier. You can pray tu n'as plus besoin du chapelet. No need to rosary. Jésus a dit, Jesus said, ceux qui doivent prier, those who have to pray, demandent des choses en mon nom. Ask things in my name. Et si tu demandes au nom de Jésus, and if you ask something in the name of crois Jesus, que tu as déjà reçu. Believe you have received. Il n'a pas dit avant de demander, he did not say before asking, ayez le chapelet entre les mains. Have a rosary in your hand. Non. No. Il y a un seul Dieu there is only et aussi one un seul médiateur and also one entre Dieu et les hommes. Le médiateur, c'est qui? Who is the mediator? C'est Jésus. Jesus. C'est pas Marie. C'est pas Mary. Le chapelet. It's not the rosary. Le médiateur, c'est Jésus. The mediator is Jesus. Tu dois commencer à prier. You now have to start aujourd'hui, praying today. Rien qu'avec le nom de Jésus. Only with the name tu dis of Jesus. Père, tu you say Father. Tu demandes un truc à Dieu. You ask something from tu dis God. Papa. You say Papa. Je te demande le micro. Je prends I'm un exemple. Asking for a microphone, for example. Je prends un exemple. I'm, je demande ce micro au nom de Jésus. I'm asking this microphone in the name of Jesus. Et qu'est-ce qui est écrit? Crois que tu as déjà reçu. It is même written, si tu ne vois pas le micro avec les yeux, mais crois que tu as déjà reçu le micro et tu le verras s'accomplir. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'eau bénite, no need to come and take le chapelet water, rosary, et autres. And other things. Ici, il y a ce qu'on appelle l'eau onctionnée. Ce n'est pas l'eau bénite, c'est l'eau onctionnée. C'est l'onction qui est sur moi. Je transmets cette onction également sur toi. I will equally transmit this anointing upon you. Tu n'as pas besoin des eaux bénites. No need to use non. Blessed water. Tu n'as pas besoin du chapelet. No des statues de Marie. Mary statue. Tu n'as pas besoin d'encens. You don't need incense. Tu n'as pas besoin de tout ça. You don't need all those things. C'est des futilités. These are useless things. Rien à voir. Nothing to avec do la réalité. With the reality. Est-ce que vous me suivez? You're getting me. Amen. Amen. Levez les mains maintenant. Lift up your hands now. On va vous dire demain. They'll tell you tomorrow. Le jour que vous allez recevoir votre baptême. The day you're going to receive dans l'eau. Baptism in water. C'est pas deux gouttes d'eau sur le crâne. Not two drops of water in Jésus the cup. Jésus a reçu le baptême. Jesus received his baptism. Il avait quel âge? How old was 30 he? 30 ans. 30 years old. Il n'était pas bébé. He was not a baby. On l'avait consacré au huitième jour au temple. They consecrated him the 8th day of the temple, but he was not baptized. 8 jours après sa naissance, 8 days after il a été présenté au temple. He was presented in the temple. Il n'a pas pris le baptême. He was not baptized. Mais où est-ce que ils ont pris où est-ce qu'ils ont pris cette doctrine? Where have they taken this doctrine to baptize babies? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. L'homme de Dieu qu'on appelle Élisée a posé cette question à une femme. Il dit, qu'est-ce que tu demandes? What is your request? Je ne peux rien faire si tu ne demandes pas. Il m'a dit demander. Et on vous donnera. Frapper. Et on ouvrira. C'est écrit. Demander. On donnera. À celui qui demande. On ouvrira. À celui qui frappe. Il dit on donnera à celui qui demande. Voici 2014. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? What are you asking? Tout ce que tu vas demander, to ask. C'est ce que Dieu va faire aussi. What God will ask. Il ne pourra pas faire ce que tu n'as pas demandé. Hein? Not do what you have not asked for. J'ai dit Dieu, il ne va pas faire ce que tu n'as pas demandé. Do what you have not asked for. Mais toi, tu ne le connais pas, moi je le connais. Maybe you don't know him, I know him. Si tu nous demandes de prier sans cesse, if he asks us to pray without c'est pour demander. It's to beg. C'est pour demander même les choses que tu avais demandées en 2013. Tu peux continuer à demander. Il a dit de prier sans cesse, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Il faut faire pression. Et tu obtiendras. Il faut faire pression. Demander. Demander. Je donne 10 minutes, tu réfléchis sur ce que tu demandes. Ne demande pas au hasard. I'll give you 10 minutes to think about what you want. Si tu es plus chaud, tu peux prendre un cahier et tu commences à écrire ce que tu demandes. Parce que jusqu'à la fin de l'année, tu auras le même cahier. Et le cahier, la feuille en question, tu vas rester devant toi, c'est sourd. Chaque soir, tu pries dessus. Every evening, you have to pray sept jours. For 7 days. Demande 12 choses. Ask 12 things. Les choses qui te tiennent à cœur. Things you need. Même si tu es étudiant, élève. Even if you are student. Chaque personne doit toujours avoir des buts, même si tu n'as pas de but. La Bible appelle ça les temples de la chair, le cœur. Les temples de la chair, le cœur. Ne demande pas la mort de quelqu'un. Don't ask for someone's death. Ne demande pas la femme de quelqu'un. Don't ask for somebody's wife. Ne demande pas le mari de quelqu'un. Don't ask for somebody's husband. De quelqu'un. For somebody's husband. Ne demande pas la voiture de quelqu'un. Don't ask for somebody's car. Ne demande pas l'héritage de quelqu'un. Don't ask for someone's inheritance. Demande. Ask. Ce que Dieu doit te donner. What God has to give you. Si je veux qu'il te donne quoi? You want him to give you what? Ne faut pas aller pétiger pour prendre le poste de quelqu'un. Don't want practice to take someone's job. Non. No. Tu veux qu'il fasse quoi? What do you want him to do? Il te donne du travail. To give you a job? Où? Where? Il faut choisir. You have to choose. Et je voudrais que tu sois un entrepreneur, quelqu'un qui a sa société, and I'd like qui a ses affaires. Company, c'est là que Dieu va t'enrichir. That is where God will make Dieu you va t'enrichir en milliards. God will make you rich in billions. Il ne va pas t'enrichir en milliards avec un salaire. God will make you rich in billions. Même si tu gagnes un million de francs, even if you earn a million of francs, tu ne pourras jamais collecter un milliard durant toute ton existence. You will never collect a billion during all. Ça sera impossible. It will be impossible. Et je voudrais que tu sois un homme d'affaires. And I'd like you to be a business. Pas un appel qui vend, qui a des usines, non. Il faut avoir des grandes visions. Lorsque Dieu a dit à cette femme, par le canal du prophète, va chercher les vases. Va chercher les vases. En grand nombre. Va chercher les vases en grand nombre. C'est-à-dire, la femme devait avoir une grande vision. Lis. Ne demande pas les petites choses à Dieu ce soir, cette nuit, ce matin. To God this morning. Ne demande pas des petites choses. Don't ask for small things. Moi, je n'ai pas demandé des petites choses à Dieu. I have not asked for small things. À propos de ce temple. Quand on avait commencé ici, when we started here, on était seulement en haut là-bas. Just up there. En haut là-bas. Up there. Tout ça n'existait pas. All mais j'avais une grande vision. But I had a great vision. Je savais que cet endroit serait comme ça. And you just mais je voyais ça en esprit. But I was seeing it in my spirit. Je le voyais pas avec les yeux. I was not seeing it with my eyes. Quand tu demandes à Dieu aujourd'hui, ça doit être. Have to be. Ça doit être. Have to be. Avec une grande vision. With a great vision. Il est écrit. Une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, ton créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Ton serviteur, mon mari est mort. Comment peut-il que quelqu'un qui craignait l'Éternel va mourir dans la pauvreté? Il craignait l'Éternel. Il était saint, mais il n'avait aucune grande vision. Il était accordé de l'homme de Dieu. Il craignait l'Éternel. Mais il n'a pas écouté la voix de l'homme de Dieu. Il va mourir dans la pauvreté. Quand tu viens dans l'église de Jésus, dans l'église de Dieu, il reste debout. Et tu demandes, tu es assis. Yes, tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? What are you coming here to do? Tu es venu admirer ce temple? You have come here to admire this temple? Qu'est-ce que tu es venu faire? What are you coming here to do? Élisée lui dit, les chrétiens sont paresseux, même les crises, ça te dépasse. Christians are lazy. Prier, ça te dépasse, il y a d'autres qui ne prient même pas. Some are not even pray. Demande, ça te dépasse. Ask, is that what you? C'est pour cela qu'ils aiment aller chez les pétitions. On a appelé ça veiller de prière. Alors tu es venu prier comment? Tu es venu demander quoi à Dieu? Il va te dire, présente-moi. Présente-moi. Nous sommes en train de mettre en pratique. You are putting into practice. Nous sommes venus à une veillée de prière. We came here to a night vigil prayer. Pas pour dormir ici. Not to sleep. On est venu ici veiller, c'est-à-dire veiller veut dire on ne dort pas. We are not sleeping. Amen. Amen. Amen. Amen. Ton serviteur craignait l'Éternel. Et il est mort comment? Dans la pauvreté. How did he die? In poverty. Pourquoi dans la pauvreté? Why in poverty? Il n'a pas écouté ce que l'homme de Dieu disait. He did not listen to what the man of God said. Il était à côté de l'homme de Dieu. Meanwhile, he was beside the man of God. Il n'a pas écouté. He did not listen. Peut-être il dormait quand l'homme de Dieu prêchait, il dormait comme toi. When the man of God was preaching, he was sleeping. Et il va mourir dans la pauvreté. And he would die in poverty. Il raisonnait. He was dreaming. Il va mourir dans la pauvreté. He would die in poverty. Il ne faisait pas ce que l'homme de Dieu demandait de faire. He was not doing what the man of God asked. L'homme de Dieu a reçu un mandat. The man of God received. Il parle là. Il a parlé du Seigneur. From the Lord. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Le créancier, le sorcier est venu. The sorcerer came. C'est pour cela que tu es pauvre. That is why you're poor. Il a pris les deux enfants. He took the two. Il a mis dans le cadenas. And put in the padlock. Élisée lui dit, ne puis-je faire pour toi? Qui a mis ta vie dans le cadenas? Who put your life in the padlock? Qu'est-ce qu'il y a dans le cadenas qui ne marche pas? C'est ce que tu dois demander à Dieu. Demande premièrement la délivrance. As for the deliverance. Que chaque cadenas soit dans ta vie. May every padlock show be broken in your life. La première des choses à demander. The first thing you have to ask. Dis-lui que chaque cadenas. Tell him every padlock. Si quelqu'un avait enfermé. If someone has locked. Avait pris le cadenas quelque part. Took a padlock somewhere. Un homme qui était jaloux. A man who was jealous. Un homme qui était jaloux. A woman who was jealous. Un homme qui était jaloux dans ta famille. Somebody jealous in your family. Il est allé voir un pécheur. He went and visited. Et la personne elle-même était sorcière. Oh, the person was a sorcerer. La personne était sorcière. The person was a sorcerer. Elle est allée dans la sorcellerie. Elle a pris le cadenas. Elle a enfermé ton argent. Tes entreprises. La première des choses à demander ce soir, ce matin, demande la délivrance. Ask for deliverance. Que chaque cadenas saute. Every padlock should drop. Que chaque cadenas saute. Every padlock should drop. Dans ta vie. In your life. Chaque cadenas doit sauter. Every padlock has to drop. Et chaque cadenas va sauter ce soir. And every padlock. Parce que tu as demandé. Because you ask. Et dans la Bible, demander. It is written in the Bible. Si tu demandes, Dieu va donner. If you ask, God will give. Alors demande. So ask. Demande la première chose de quoi? C'est la délivrance. Que chaque cadenas saute. May every padlock. Et après cela. La deuxième chose, c'est quoi? Puisque tu es déjà délivré. Quand Dieu te remplit de sa présence, il va te remplir de sa présence, le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le reste continue à demander toi-même. Continue à demander. Le reste, là, mais les deux là sont importants. Il y a d'abord la délivrance de tous les problèmes, de tous les envoûtements. Et toi-même, tu sais. Là où tu es bien envoûté, tu peux demander à Dieu. J'ai été envoûté ici, j'ai été envoûté là, j'ai été envoûté ici. On m'a mis dans le cadenas ici ou là. Tu dis, j'exige, je veux la délivrance. J'exige que Satan me laisse. Que les sorciers me laissent. La première des choses à demander. Parce que si tu es lié, comment tu vas faire pour être marié? Tu es lié. Tu vas te marier, tu seras pauvre. You get married and you go. You get married, you get married and go through problems. Amen. Amen. Amen. Demande 12 choses. Ask for 12 things. 12. 12. 12. 12. Avec les 12. With the 12. Pendant 7 jours. For 7 days. Ça sera sous tes yeux. It will be before you. Sous tes yeux. Before you. Et que tu arrives à la maison ce matin. As soon as you go back to your house. Avant de te coucher. Before sleeping. Tu pries encore. You still pray. Tu pries encore. We still pray. Tu te réveilles le soir. Avant de se coucher le soir. Before sleeping. Tu pries encore. Tu te réveilles le matin. You wake up in the morning. Avant de faire quoi que ce soit, tu pries encore. Whatever, you still pray. Tu pries encore. You still pray. Tu pries encore. Still pray. Pendant 7 jours. For 7 days. Amen. Amen. Amen. Amen. Parce que la délivrance, quand je vais déclencher la délivrance tout à l'heure, tous les démons, tous les esprits, tous les esprits qui t'ont poursuivi jusqu'ici, tous les problèmes, ils sont dans ton âme, ils seront détruits. Mais il faut d'abord demander. Il faut d'abord demander. On demande d'écrire parce que tu ne dois pas oublier. They're asking you to write because they don't have to forget. Si tu as une mémoire de fer, if you have an idle memory, tu vas te rappeler. You'll remember. Dès que tu arrives à la maison, as soon as you reach home, tu commences aussi à écrire. You also begin to write. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Continue à écrire. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Si c'est l'argent que tu demandes aujourd'hui, ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas des petites sommes. Est-ce que tu m'entends? Ne demande pas des petites sommes. Parce que si ce sont des petites sommes, tu vas donner quoi à Dieu? Pour qu'il puisse te bénir. Il dit si tu donnes peu, il va aussi te bénir peu. 1 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Alors si toi tu demandes peu, ne demande pas des petites sommes. Don't ask for little amount. C'est ça que Dieu ne bénit pas. That is one God. Alors tu demandes des petites sommes. He who is asking et ne lui demande pas l'argent liquide. Don't ask for liquid. Je vous enseigne. Il y a des gens qui disent je veux des milliards. Non, Dieu ne donne pas l'argent liquide. God cannot give liquid money. Et trompez-vous. Il dit de travailler. He said you have to work. De travailler avant de gagner. You have to work before. Et dans ton entreprise, que tu vas gagner des milliards. You have to gain billions. C'est pas le donnement des milliards. It's not that give millions. Il faut préciser. Tu auras des milliards, à quel niveau? Tu vas faire quoi? Que tu sois béni? Tu vas travailler quoi? Qui te donne des milliards? Dieu ne donne pas l'argent liquide. Sachez-le, sachez-le. Celui qui s'est un peu maçonné. Alors il faut d'abord s'aimer avant de maçonner. Est-ce que quelqu'un a déjà maçonné un jour sans s'aimer? Avant de s'aimer, il faut défricher. Il faut défricher. Avant de s'aimer, il faut d'abord travailler. Il faut d'abord défricher. Avant que les arbres puissent faire des sillons en même temps. And kill the soil. C'est ça la spiritualité. C'est ça la délivrance. C'est ça les prières. Le travail. Work. Tu dois donc travailler. You then have to work. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? What have you written? Tu vas gagner cet argent comment? How will you end that money? Il faudrait que 2014 finisse également. 2014 et tu dis, je n'ai rien. And you say, I have nothing. Parce que la Bible dit, vous demandez you ask, et vous ne recevez pas. And you do not receive, parce que vous demandez mal. Because you ask badly. Dans le livre de Jacques, chapitre 4. In the book of James 4, vous demandez, you ask, vous ne recevez pas, and you do not receive, parce que vous demandez mal. Because you ask badly. Lis. Vous demandez. You ask. Il est écrit Jean chapitre 4, verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Ah, voilà ce qui est écrit. This is what vous demandez mal. You ask badly. Les chrétiens demandent mal. Ask in et pourtant ils demandent. Ask, et ne reçoivent pas. Parce qu'ils demandent mal. Ask in a bad way. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous demandez. You vous ne recevez pas. If you do not receive, parce que vous demandez mal. Because you ask in a bad way. Le jour que j'ai vu ça, j'étais nouvellement converti. The day I read it, I just didn't like it. I was very parce que j'ai vu l'état des églises. Because I saw the situation of church. Dieu m'avait envoyé au Cameroun. God sent me to Cameroon. J'ai été converti en 92. I got converted in 92. Dieu m'a permis de sillonner tout le Cameroun jusqu'à Maroua. And God permitted me to go around Cameroun to Maroua. I saw the spiritual situation, the material situation, the prosperity of the church. The prosperity situation of church. It was really poverty. From poverty. Je pose la question. I asked the question, why not? Why all this? Me dit les gens demandent. He said people ask. Ils demandent mal. But they ask in a bad way. Dans de très mauvaises conditions. In very bad condition. Un, premièrement, la plupart ne sont pas des nouveaux. Firstly, most of them are not born again. Deuxièmement, secondly, ils demandent pour eux-mêmes. They ask for themselves. Pas pour d'autres. Not for other people. Troisièmement, thirdly, leur vie n'est pas une vie de sacrifice. Their life is not a life of sacrifice. Ils n'ont pas donné leur vie en sacrifice. They are not giving their life ils in sacrifice. Ne font pas des sacrifices. They are not doing sacrifice. Quatrièmement, fourthly, ils ne sont pas engagés avec moi. They are not engaged with me. Ils ne sont pas sérieux avec moi. They are not serious with me. Ils viennent vers moi. They come to me. Comme si j'étais un féticheur. As if I was a patient, a lady doctor. Pour résoudre un problème. To solve their problem. Ils vont repartir. And they will go back. Et c'est vrai. And it is true. C'est vrai. It is true. Vous demandez. You ask, et vous ne recevez pas. But you do not receive, parce que vous demandez mal. Because you ask in a bad way. Tu es d'accord, d'accord. 30 minutes de réflexion. Pour que tu demandes bien. For you to ask very well. Ne demande pas avant la bière. Don't ask without beer. Si tu as des ventes à porter. If you have bars. Il faut mettre le prêt dessus. How Dieu ne peut pas t'enrichir. God cannot make you rich. Tu as entendu le témoin de Cassino. You have Cassino's testimony. Escalier où maintenant? Where is escalier bar now? À quoi on appelle escalier où? The cold escalier where is it? Quand il est pris. Et beaucoup de bars, and many bars, beaucoup d'emplois à Yaoundé, many places qui étaient célèbres auparavant, famous before, où on buvait l'alcool, when they used to drink alcohol, ont disparu. Parce que c'est une malédiction. Quand tu prends l'alcool, quand tu prends le corps, when you sell what can kill the body, quand tu prends ça, and you sell it to become rich, tout ce qui vend de l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe. Sont dans une malédiction. They are under a curse. Et les choses à ne pas demander à Dieu. These are things you don't have to ask from God. Dans ta vie. In all your needs. Amen. Yes. Réfléchis encore. Think again. Il y a des femmes qui demandent d'enfants. There are women asking for children. Donc elle est pas mariée. Even when the boy is married. Qui a des enfants avec qui? The who are you going to have the children? Qui a des enfants avec qui? In who are you going to have the children? Dans la fornication. Immorality. Demande d'abord le mariage. First of all, ask for marriage. Tu demandes l'enfant, tu n'es pas marié. Au lieu de commencer par le mariage. And you know you're married, so starting by marriage. Amen. Yes. Quand tu demandes l'argent, il n'a pas d'entreprise. So by asking for money, comment pas demander l'entreprise? So by asking for money, et l'argent arrive. And money is called. Amen. Yes. Amen. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma vie libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux.